ministère russe de la Défense a affirmé que trois bateaux rapides sans équipage avaient tenté d'attaquer la base de la flotte russe de la mer Noire sous le couvert de l'obscurité lundi. Mais il a ajouté que les trois drones navals avaient été détruits par ces défenses et que personne n'avait été blessé, bien qu'un gouverneur nommé par la Russie à Sébastopol ait déclaré que les ondes de choc avaient brisé quelques fenêtres. Le ministère russe de la Défense n'a pas réagi aux affirmations selon lesquelles la contre-offensive ukrainienne débutait. Dans des commentaires livrés à la presse française, le chef de la diplomatie européenne a déclaré que les alliés occidentaux devaient se préparer à un règlement pacifique du conflit en Ukraine, mais que toute négociation éventuelle devrait inclure l'Ukraine et avoir lieu depuis une position de force, tout en faisant remarquer que la période de l'après-conflit n'était pas proche. Depuis mars, la Russie a déclaré que les conditions n'étaient pas mûres pour une transition vers la paix. Par conséquent, sa soi-disant opération militaire spéciale se poursuivra. En russe, Dmitri Medvedev a menacé de ne pas renouveler l'accord sur les céréales de la mer Noire, qui doit expirer en mai, si les pays du G7 décidaient d'interdire les exportations vers la Russie. Moscou a déjà déclaré qu'elle n'accepterait pas de renouveler l'accord si ses demandes n'étaient pas satisfaites, ce qui inclut la levée des sanctions qui, selon elle, entravent ses exportations de nourriture et d'engrais. Alors que les pays du G7 ne discutent pas publiquement d'une interdiction quasi totale des exportations vers la Russie, une agence de presse japonaise a rapporté qu'une telle mesure était envisagée selon ses sources gouvernementales. Afrique Média, le monde, c'est nous.